cours après la balle en évitant les balles. D'où viennent ces coups de fusil? Pourquoi sont-ils si près d'ici? Petit, quitte cette farandole de plus en plus folle. S'il te reste de cette force qui se nourrit de belles paroles, petit, que leur as-tu fait pour qu'ils en veuillent à ta vie? Que leur as-tu pris pour qu'ils se moquent de toi ainsi? Hey, tu te crois tiré d'affaire? Mais tout ça n'est qu'éphémère. La souffrance est toujours là. Elle t'attend pour te mener tout droit vers les portes de cet univers qui d'ici ressemble à l'enfer. L'enfer, tu le vis déjà. Pour te mener tout droit.